foutre d'aller les mettre dans l'eau. Pervers est homosexuel. Pervers est homosexuel. Vous avez vu, je sais. Je ne sais pas où. Pervers est homosexuel. Elles sont fanées, vos fleurs. Pourquoi vous tenez à les mettre dans l'eau? Pervers est homosexuel. あのな、死んだ花に水やったってしょうがねえんだよ。男に振られて頭おかしくなったんじゃねえか？え？